plus le top, mon blaze, essaie de faire une place à votre monde. Arrive ce résultat lorsque notre taf est plus ce qu'on fond. 3 La bonne gamme princiale, quand l'Ouest on est non. 4 L.A. C'est Fanda. Et pour toi, 1 Pile temps qu'on avouait notre amour à notre art. 2 3, 4, 5, 6, puis je vois 2, je crois. 3 Ambiance noire au rencard, défonce tous les remparts. 4 L.A. L.A. L.A. Parce qu'on s'épaule, on va vraiment ouvrir ce troisième pôle. Chaque rôle qu'on s'est défini nous vengera chaque tôle. Maintenant on se frôle au solo, au fini d'y aller mollo. Au pouce au gros, le pouce à faire swing et les bondes à comme au tombolo. Ouais, on s'invite, rentre sur un beat bombastique. Patrimoine tant que charge de plastique. Dans le chrome, déflagration, impact à chipping. Cherchez attitude mood, Jaden sur rythme rap. On plante notre guette en armée de feeling hard. Pas de ce qu'on pistonne. On débarque dans votre monde, mais on pourrait en parler comme des papis. On blinde les ondes, fond des mises, sur le tapis. Nous, on met notre cœur, notre drame, notre trip et nos vies. Et c'est une fois que t'as tout donné qu'on tape, on craint les gratuits. Ça vient du 4-4, si la situation se gâte, mets-toi à 4 pas. Ça l'a dans tous les sens, le son fat, le stylo fume, fonce, dégrade. Ta tenue vaut mat, le duo pro. On éclate ça en démo, roi, un rap de luxe, rare et rush façon limochrome. Depuis le top, mon blaze, essaie de se faire une place à votre monde. Arrive ce résultat lorsque notre taf est plus ce qu'on fond. 3 La bonne gamme princiale, quand l'Ouest on est non. 4 L.A. C'est Fanda. Et pour toi, 1 Pile temps qu'on avouait notre amour à notre art. 2 3, 4, 5, 6, puis je vois 2, je pars. 3 Ambiance noire au rencard, défonce tous les remparts. 4 L.A. L.A. De MC Mioche, Irie, bêtement, c'est ahurissant. Il croit vraiment que le rap c'est basket, casquette et costard sur vêtements. J'assure d'un parcours de dingue, de combattant, vu le truc intensément. Du point où elle ou jusqu'au gisement. Parce que depuis le temps qu'on est dedans, ici rien que des battants. J'ai plus le temps, maintenant je compte plus autour du pot. J'suis dedans, l'enseignement, on se défie sur le tas. Chaque événement, vit pleinement. Putain de buzz qui cause à tous l'étonnement. Hey, wow. Regarde au bastos, bastos. Sur ce morceau, tous les sceptiques, ouais, on les baisse tous. Pousse les décibels, bouge ton boule, v'là les soucousses. Faut trancher en côté, coup de mousse. Prépare mon couscous en douce. Sauce cam nous à l'arrêt. J'avais dit que sur le marché, on était prêt à marcher. On hésite plus à se lâcher, car sur nous on a trop craché. À cette merde j'étais attaché, j'ai vu que je pouvais me détacher. Une fois libéré, c'est par mon flow que j'ai travaillé mon crochet. Depuis le doc, mon blaze, essaie de se faire une place à votre monde. Arrive ce résultat lorsque notre taf est plus ce qu'on fond. 3 La bonne gamme princiale, quand l'Ouest on est non. 4 L.A. C'est Fanda. Et pour toi, 1 Pile temps qu'on avouait notre amour à notre art. 2 3, 4, 5, 6, puis je vois 2, je pars. 3 Ambiance noire au rencard, défonce tous les remparts. 4 L.A. C'est cap, bordel, Eric Strata, international, pas le CK. C'est notre passé qu'on clame, réclame l'autus sur l'auto. Y'a tant de faux qui se font leur promo, dame l'autre part du gâteau. Ça me fout trop de galériens, proclame qu'on rame tout sur le même bateau. Ouais, j'aime qu'on nous sous-estime, ouais, j'aime qu'on nous critique. J'adore qu'on place des balles, tringues à la rubrique chronique. Parce que ça nous éclate, on voit pas arriver, c'est magique. Et notre grand kiff, c'est d'arriver par derrière avec la clé. Tous au chrome automatique, on s'impose à base de joues verbales. La rose au rafale, on s'emballe parce que le corps vocal, on la dame. Ça kick sec, de chirurgien, en salle dissèque l'instrumental. Dis-moi, je leur passe les tailles. Dis-leur quand même qu'on a shooté le bétail. L'aboutissement de nos efforts indique sa direction. Notre émulsion apaise nos lésions. Hip-hop conviction sans contradiction. 4-4 pression, prends garde à la putain de déflagration. Depuis le top, mon blaze, essaie de se faire une place à votre monde. Arrive ce résultat lorsque